katikati yetu na nduku Josué. Parmi nous, nous avons le frère Josué. Josué Malaba. Josué Malaba. Nduku anatoka kumakutano assemblée chrétienne yetu ya Rigini. Le frère vient de l'assemblée de Rigini. Kwa frère Nyembo, comme pasteur. Frère Nyembo, comme pasteur. Alors, nduku njua tanza maubiri leo jusqu'à dimanche. C'est lui qui va commencer la prédication aujourd'hui jusqu'à dimanche. Eti moko mufura kumpokela kumsalimia mujina bwana Yesu Kristo. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Karibu frère. Approchez mon frère. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Namisalimia mujina damani ya bwana na mokozi wetu Yesu Kristo. Je crois que on m'a déjà présenté. Nawazia banesha kunionesha mbele yenu. Ça ne sert plus à rien de pouvoir se présenter moi-même. Aina tena ya mafaa kujita ya mimi mwenyewe. Je vous transmets les salutations de la part de frères et sœurs de l'Assemblée de Kinshasa. Namilete masalamu ya bantu kuna badada bakanisa ya Kinshasa. Ainsi que nos frères et sœurs de l'Assemblée de Lubumbashi. Pamoja na ya bantu kuna badada ba makutano ya Lubumbashi. Parce que c'est là que j'ai apporté la parole la semaine passée. Kwani njokule na liubiri juma ilipita. Et ils m'ont chargé de pouvoir vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Na waliniambia nipate kumisalimia mujina bwana Yesu Kristo. Nous allons nous lever pour lire la parole. Tutasimama juu ya kusoma neno la Mungu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Tafungula ma Biblia yetu mu Thessalonika wa kwanza sura ya 4. En commençant par le verset. Tanzia mustari. Le verset 13. Mstari ya 13. Je ne vois pas l'horloge. Ah, OK. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Tuamini ya kwamba Mungu atafufula Yesu na kupitia yeye bale bote banesha kufa. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Tazameni basi ile tunamitangazia kufuatana na neno ya Bwana. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Sisi bazima bale bali bakia kufika na wakati ya kuja kwa Bwana. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Hatutatangulia bale bali kufa. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Kwani Bwana yeye mwenyewe kwa alama fulani, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans le air. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, yetu. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ili mupate kupokea utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Hivi basi banduku mudumu imara. Et retenez les instructions. Muchunge maagizo. Que vous avez reçus. Ili mulipokea. Soit par notre parole. Wala kupitia misemo yetu. Soit par notre lettre. Wala kupitia mabarua yetu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Dieu bien-aimé, nous venons encore une fois de plus auprès de toi, sous le sang précieux de l'agneau qui fut répandu à Golgotha pour le pardon de nos péchés, pour la réconciliation avec le Père. Dieu de toute bonté, de toute grâce, de toute miséricorde, nous te prions de nous assister. Bénis la lecture de la parole. Donne un entendement spirituel à tes enfants. Circoncis nos lèvres. Assiste-nous, Seigneur. Guéris les malades. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Libère les captifs. Ufungule venye kufungwa. Sauve les pécheurs. Uokole batenda zambi. Remplis du Saint-Esprit tes enfants disposés. Ujaze Roho Mtakatifu batoto yako venye kwa tayari. Et que l'œuvre du ténèbre soit vaincue. Na kazi ya giza yoke ishindiwe. Que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu puisse prendre le contrôle à ce lieu. Apate uchugue aongoze aifazi. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Qui est le nom tout puissant, le yote, nom du salut, okovu, le nom de la délivrance, ukombozi, et nous avons ainsi prié. Hivi. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu nous allons parler par la grâce de Dieu tutasema kwa nema ya Mungu, sur l'orientation divine yulu ya ongozi ya kimungu, à l'église épouse wakanisa bibi arusi, pour l'enlèvement. Jia kunyanyuliwa. Alléluia. Amina. Parce que nous sommes dans un temps kwani tukumu wakati auquel nous nous attendons au retour du Seigneur. Mule tukuna ongojea kurudi kwa Bwana. Alléluia. Amina. Le Seigneur revient bientôt. Bwana, kuna kuja sasa hivi. Raison pour laquelle nous sommes ici. Njoko mana tuko hapa. Mais notre Dieu, lakini Mungu wetu, à chaque fois qu'il promet quelque chose, kila wakati akilaka kitu, c'est lui-même ni yeye mwenyewe qui conduit les gens vers l'accomplissement. Dieu ataongoza watu kufika kukutimilika. Il dit aux gens quoi faire. Anaambia watu bafanye nini? Et comment le faire? Na namna kani ya kuifanya. Alléluia. Amina. C'est lui qui oriente le peuple. Yenjo eko naongoza watu. De Genèse à l'Apocalypse. Tangia mwanzo kufika na kufunua. Tous ceux qui sont appelés de Dieu. Wale wote baliitiwa na Mungu. Et qui ont vécu, expérimenté l'accomplissement des promesses de Dieu. Na walionja kutimilika kwa malako ya Mungu. Ont été orientés par Dieu. Waliongoziwa na Mungu. Alléluia. Amina. Et s'étaient laissés conduire par Dieu. Na waliatiria baongoziwe na Mungu. Si nous voyons Noé, kama tukiona Noa, pour la construction de l'arche, kujenga safina, même le choix du bois, hata kuchakula kwa muti, ce n'était pas le choix de Noé. Haikuwa kuchakula kwa Noa, le choix du bois, kuchakula kwa ile muti, c'est Dieu lui-même ni Mungu ye mwenyewe qui avait dit à Noé, alimwambia Noa, tu vas prendre le bois de Gopher. Utachugua ile muti ya Gophela. Alléluia. Amen. C'était pas le choix de Noé. Dieu lui-même, Mungu yeye étant le créateur des arbres, savile ni mumbaji wa miti, il savait les capacités de chaque arbre. Alijua uwezo wa kila muti. Il savait qu'il fallait le gofer. Alijua kwamba ilistahili muti ya gofela. Il a donné à Noé la longueur, alimonesha Noa burefu, la largeur, na burefu wa upana, tout ce qu'il fallait faire. Bile vyote alipasha kufanya. Alléluia. Amen. Il lui a dit, tu vas prendre les animaux, mâles et femelles. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et dans Genèse chapitre 6, la Bible dit, au verset 10, alléluia, prenons un peu cela. Genèse 6, verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Au chapitre 7, verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsque Dieu vit que Noé exécuta tout ce qu'il lui avait donné comme instruction, il dit à Noé d'entrer dans l'arche. Alléluia. Amen. Même Moïse, ata Musa, pour la délivrance des enfants d'Israël, Dieu a ukombola watoto wa Israeli. Il avait reçu les directives venant de la part de Dieu. Arifata ongozi ya kutokea kwa Mungu. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, tu iras vers Pharaon. Mungu alimwambia utenda mbele ya Pharaon. Tu lui diras ceci. Utamwambia hivi. Tu lui diras cela. Utamwambia kile. À la veille de leur délivrance, Dieu a donné des directives, des orientations. Tu diras à chaque enfant d'Israël de prendre un agneau, alléluia, amen, et de l'immoler, d'appliquer le sang sur le linteau. Vous serez à l'intérieur mangeant de la nourriture de cet agneau-là avec les herbes amères. Alléluia. Amen. C'était des directives données par Dieu. Si quelqu'un veut voir Dieu se manifester dans sa vie, et que l'accomplissement des promesses de Dieu soit accompli au travers de sa vie, il doit se soumettre à la conduite de Dieu. Alléluia. Amen. S'il désobéit à la conduite de Dieu, il ne verra jamais l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi, si nous voyons Ivi, kama tukiona, Élie le Tisbite, Elia Mutisbite, qui était un prophète de Dieu, ula rukua nabii wa Mungu, avant qu'il ne soit enlevé, mbele yake kunyanyuliwa, Dieu l'avait conduit. Élie était un véritable type. Élie a quoi ni picha kweli. D'un véritable Élie qui suit la conduite de Dieu jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Parce que les types qui s'est passé dans l'Ancien Testament était de l'ombre. Il devait s'accomplir en Christ. La Bible dit que ces choses leur étaient arrivées pour nous servir d'exemple. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, tout est utile. Dieu a conduit Élie à trois étapes avant qu'il ne soit enlevé. Alléluia. Amen. C'était un véritable type. Nous allons lire un peu dans Deux Rois pour voir comment Élie, Dieu l'a conduit avant l'enlèvement. Deux Rois, chapitre 2, verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, Elia akamwambia Elisha, reste ici je te prie. Ubakia pa mina kusi. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Kwani wa milena ananituma kwenda ku Betheli. Élisée répondit. Elisha kajibu. L'Éternel est vivant. Wa milena ni mzima. Et ton âme est vivante. Na nafsi yako nayo ni mzima. Je ne te quitterai point. Sitakuacha kamwe. Et ils descendirent à Bethel. Na wakaenda ku Betheli. Alléluia. Amen. Comme je viens de le dire, Dieu conduisit Élie à trois étapes avant qu'il ne soit enlevé. Parce que Dieu lui avait déjà dit, tu vas quitter la terre et tu iras au paradis. Alléluia. Amen. Alors Élie, basi, Elia, étant le prophète de Dieu, sachant qu'il devait aller en enlèvement, il devait maintenant s'attendre à la conduite de Dieu. Et Dieu dit à Élie, tu es à Gilgal. Tu es à Gilgal. Quitte là où tu es. Toka pale uko. Va maintenant à Bethel. Wende sasa ku Betheli. Alléluia. Amen. Lorsque Élie quittait Gilgal, wakati Elie alitoka Gilgal et se rendait à Bethel, na kwenda ku Betheli, Élie savait Elie alijua que ce chemin de Bethel, ya kwamba njia Betheli, c'est le chemin de l'enlèvement. Ni njia ya kunyanguliwa. Alléluia. Amen. Il savait que la façon dont Dieu est en train de me conduire, la finalité, ce serait quitter la terre pour aller dans la gloire. Il y avait beaucoup de villes. Il y avait Jérusalem. Jérusalem. Et il y avait d'autres villes. Que Dieu pouvait dire à Élie, va dans telle ville. Mais Dieu n'a pas choisi toutes ces villes-là. Dieu n'a choisi que Bethel. Alléluia. Amen. Dieu fait chaque chose avec un objectif. Mungu yuko nafanya kila kitu na kifukuzio. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit à Élie d'aller à Bethel. Aina kwa bule Mungu alimwambia Élie ende ku Betheli. À Bethel là, kule ku Betheli, Jacob avait fait une expérience glorieuse. Yakobo alifanya onjo ya mastajabu. Si nous pouvons lire dans Genèse, kama tunaweza soma mwanzo. Prenons Genèse. Tuchukue mwanzo. Genèse 28. Mwanzo sura makumi mbili na munani. Verset 11. Musara kumi na moja. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il y eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile à son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Alléluia. Amen. Là à Bethel, Jacob avait vécu une expérience glorieuse. Il eut dans son songe, étant un prophète de Dieu, il vit une échelle qui était posée sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Et il a vu le ciel ouvert. L'Éternel était dessus. Les anges montaient et descendaient par cette échelle. Cette échelle-là servait de canal. Alléluia. Amen. Permettait aux habitants de la terre de pouvoir quitter la terre et d'aller dans la gloire. Alléluia. Amen. Un moyen. Et ce moyen-là, ce n'était pas pourvu par un homme. Aucun homme n'a les capacités de pouvoir établir quelque chose qui va relier la terre jusqu'au ciel. Cela ne peut pas se faire. Alléluia. Amina. Même les savants de ce monde, même si on ressuscitait tous les savants qui ont existé dans ce monde, ils ne pourront jamais le faire. Nimrod a voulu le faire. Dans Genèse chapitre 11, il est écrit, il voulait être puissant. Il voulait avoir un grand nom, être populaire, être renommé. Alléluia. Amen. La popularité ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu véritables ne sont pas populaires. Le populisme. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut avoir de l'influence, il veut avoir un grand nom. Alléluia. Amen. Il a un esprit mauvais. Il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'un serviteur de Dieu doit élever, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est l'unique nom qui est au-dessus de tout. Et les autres noms sont les mêmes noms. Alléluia. Amen. Nimrod voulait avoir un grand nom, un grand renommé. Et il a réuni les gens. Il dit, construisons une grande ville et un grand tour, un grand building gratte-ciel qui va toucher le ciel. Alléluia. Amen. qui va nous permettre de monter jusqu'au ciel. Et ils ont commencé à bâtir ce tour-là pour atteindre ses objectifs, arriver jusqu'au ciel. Mais le Dieu du ciel, il a dit, je veux descendre et je veux le confondre, je veux le disperser. Dieu avait mis fin à cette œuvre-là. L'œuvre de l'homme n'arrivera jamais jusqu'à l'achèvement. Si un homme, alléluia, il s'est dit faire un œuvre, l'œuvre de Dieu, mais il n'est pas dans la volonté de Dieu. Il est dans les credos. Il est dans une dénomination. Cette œuvre-là, Dieu ne les confirmera jamais. Alléluia. Amen. Dieu avait dispersé tous ces gens-là. Et cette tour s'était arrêtée. Le but n'avait pas été atteint. Parce que l'œuvre de l'homme ne sera jamais agréée par Dieu. Dieu agrée son propre travail. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, là, c'était Babel. Aujourd'hui, c'est Babylone la grande. L'église catholique. Alléluia. Amen. Il réunit les gens pour avoir un même langage. Comme ce fut au temps de Nimrod. Alléluia. Amen. Ils aient un même langage. Un même langage dénominationnel. Alléluia. Amen. Au travers des conseils œcuméniques des églises, ils se réunissent là, qu'ils aient un même langage, qu'ils croient les mêmes choses. Alléluia. Amen. Si les gens croient les mêmes choses, mais dans la volonté parfaite de Dieu, une foi biblique, alléluia. Amen. Dieu est là. Et ces gens-là iront jusque dans la, jusqu'à l'achèvement. Mais si les gens se réunissent ensemble avec les fausses doctrines, les interprétations particulières, Dieu ne confirmera jamais cela. Alléluia. Amen. Il ne le confirmera jamais. Même Gamaliel, il pouvait dire aux autres sacrificateurs, aux pharisiens, il dit, ces gens que vous voyez, c'est Pierre, les gens là. Il dit, n'essayez pas de combattre Dieu. Si c'est l'œuvre des hommes, cela va échouer. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, peu importe ce que vous allez faire, cela ne pourra jamais échouer. Ne commettez pas des risques de combattre Dieu. Laissez ces gens-là évoluer. Si ce n'est pas de Dieu, ça va échouer. Alléluia. Amen. L'œuvre des hommes, même si cela semble être bon, sa finalité, c'est la destruction. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Apocalypse 18 dit, elle est tombée, ananguka. Babylone la grande, Babylone mkubwa. Elle est devenue une habitation de démons. Inakuwa makao ya mademona. Elle repère des oiseaux impurs. Boma ya bandeke bachafu. C'est pourquoi, Jokomana, sortez du milieu de mon peuple, tokeni katikati yake, afin que vous ne puissiez pas participer à ces fléaux. Ili mushishiriki kumapiko yake. Parce que le jugement de Dieu est déjà suspendu. Ils s'unissent ensemble, ayant un même langage dénominationnel. Trompent les gens qu'ils sont des gens de Dieu et ils amènent les gens au ciel, mais ils n'amènent pas les gens au ciel. Pour amener les gens au ciel, il faut être dans la volonté de Dieu et avoir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un homme ne peut pas faire quelque chose qui va apporter le salut. Le salut, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Nimrod avait essayé. Nimrod a ripima. Élevant un tout. Akapandisha mnara. Mais Dieu a mis fin à ça. Mungu alisimamisha. Mais le chêne que vit Jacob, qui reliait la terre jusqu'au ciel, ce n'était pas établi par Jacob. Ce n'était pas établi par un homme, mais c'était établi par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui établissa l'échelle, qui touchait la terre et le ciel, et les anges montaient et descendaient. Et si nous lisons dans Jean, lisons Jean, chapitre 1er, verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celui-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dit, en vérité, je te le dis, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'échelle que Jacob vit là dans Genèse 28 parlait de la venue de Jésus-Christ. Bien que le ciel était fermé, tous étaient privés de la gloire de Dieu, mais Dieu allait pouvoir une échelle qui allait permettre aux habitants de la terre d'aller encore dans la gloire. Et qui était cette échelle? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amina. Jésus-Christ est le chêne que Jacob vit dans Genèse 28. Il est l'unique moyen pour aller au ciel. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de pardon du Père. Alléluia. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de réconciliation avec Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a le Père avec lui. Alléluia. Amen. Si vous rejetez Jésus, tu rejettes la vie éternelle. Tu rejettes la grâce de Dieu. Tu rejettes le pardon de Dieu. Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Amen. Comment aller au ciel? Comment pouvons-nous aller au ciel? Pas de moyens. L'homme pouvait voir. Comment voir Dieu? Comment arriver vers Dieu? L'homme posait des questions. Et Dieu a dit, je vais répondre à l'homme. Je vais bénir les hommes. Il veut venir vers moi. Je veux pouvoir le moyen pour que l'homme arrive vers moi. Et Dieu a pourvu le moyen pour que nous puissions aller vers lui. Et ce moyen-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Celui qui a un autre Dieu n'ira jamais au ciel. Celui qui dit que William Branham est son Dieu, il n'ira jamais au ciel. S'il a d'autres dieux, tel que nous voyons les musulmans aujourd'hui, et ils ont la foi en Mahomet, il n'y a pas de ciel pour le musulman. Peu importe le nom que les gens peuvent avoir, que ce soit Kimbangu, que ce soit Mahomet, peu importe le miracle qui peut s'en suivre, il n'y a pas de salut. L'unique salut, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. sans Jésus-Christ, bila Yesu Christo, tu es perdu. Unapotea. Celui qui est mort pour nous à la croix. Alléluia. Amen. Il a versé son sang pour que nous soyons rachetés. L'agneau pourvu par Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même s'il meurt, je le ressusciterai. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et nous continuons la lecture. Tu n'as endelea kusoma. Genèse Mwanjo 28 sura makumi mbili na munane au verset 16. Msara 16. Jacob se veilla de son sommeil. Yakobo akaamuka toka usingizi yake. Et il dit, na akasema, certainement l'Éternel est en ce lieu. Akika wa milele ko paifazi. Et moi je ne le savais pas. Lakini mimi sikuijue. Il eut peur et dit, akasikia oga na kusema, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Amen. Jacob dit, Jacob, c'est ici la maison de Dieu. C'était où? À Bethel. Il dit, c'est ici la porte. Anasema, apa njo mulango. La porte des cieux. Mulango ya mbingu. C'est ici. Ni apa. Et lorsque Élie devait être enlevé, wakati Eli alipashu nyanyi, Dieu le fait, il lui fit passer par Bethel. Mungu alimupitisha pa Bethel. Là où Jacob vit l'échelle. Pale Yakobo aliona où il dit, c'est ici la porte des cieux. Anasema, apa njo peko mulango. Et Dieu dit, Eli, va à Bethel. Mungu akamwambia Eli aende ku Bethel. Alléluia. Amen. La porte des cieux. Mulango ya mbingu. Si vous voulez entrer ici, il y a des portes. Alléluia. Amen. Si vous n'utilisez pas ces quatre portes, tu vas entrer dans un autre bâtiment. Non, tu vas entrer dans la porte de notre bâtiment. Non. Tu pars. Unatoka. Tu pars entrer dans la porte d'une autre, sur la porte de notre bâtiment. Utaenda kuingia. Tu pars entrer. Unaenda kuingia. Voilà. Tu pars entrer. Utaenda kuingia. Pas utaenda. Unaenda. Unaenda kuingia. Tu pars entrer dans la porte. Unaenda kuingia mumulango. D'un autre bâtiment. Ya nyumba ingine. Voulant entrer ici. Alakini mwenye kuwazia sema unaingia humu. Alléluia. Amen. Tu entres par cette porte-là. Unaingilia pa ile mulango. Mais tu veux être ici. Alakini unapenda kuwa. Est-ce que tu vas te retrouver ici? Eti utapatikana humu. Tu vas pas te retrouver ici. Hapana utapatikana. Si tu veux te retrouver ici. Kama unapenda patikana. Tu dois utiliser les portes de ce bâtiment. Unapaswa kutumia milango ya hii. Si tu n'utilises pas les portes de ce bâtiment. Tu vas te retrouver ailleurs. Utapatikana fazi ingine. Et il y a la porte des cieux. Na kuku mulango ya mbingu. Les cieux au pluriel. Mambingu mingi. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs endroits dans le ciel. Muku mafazi mingi kumbingu. Alléluia. Amen. Mais une seule porte. Alakini mulango moja tu. Pas deux portes. Hapana milango mbili. Pas trois portes. Hapana milango tatu. Pas quatre portes. Hapana milango ine. Mais une seule porte. Alakini mulango ni moja tu. Et si tu veux aller au ciel, tu dois utiliser cette porte-là. Unapaswa kutumia palaka ile. Si tu n'utilises pas cette porte-là, tu te retrouves en enfer. Utapatikana muadeza mumoto. Alléluia. Amen. Prenons Matthieu, Jean chapitre 10. Yohano sura 10. Jean 10. Yohane sura 10. Verset 7. Msari ya saba. Jésus leur dit encore. Yesu akabambia tena. En vérité, en vérité. Kweli kweli, kweli kweli. Je vous l'ai dit. Na waambia. Je suis la porte des brebis. Mimi ni mulango ya kondoo. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit en vérité, en vérité. Wakati Bwana Yesu Kristo anasema kweli kweli kweli kweli. Alléluia. Amen. À chaque fois vous voyez que le Seigneur dit en vérité, kila, en vérité. Kila mara mukiona Bwana anasema kweli kweli kweli kweli. Vous savez que Jésus-Christ est Dieu. Mujua kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Dieu manifesté dans la chair humaine. Mungu mwenye konekana mu mwili ya bumutu. Lorsqu'il disait en vérité, wakati en vérité, kweli, kweli, kweli, kweli. Il était en train de signer son message. Natia saini ujumbe yake. Donc il signe ce qu'il veut dire manaka, natia saini, pour dire kusema, certainement kusema, akika, akika. Son langage est différent de prophète. Pour signer, Élie, Elia, Moïse, Moussa, Esaïe, Esaïa, Jérémie, Jeremia, William Branham, quand eux donnaient le message pour le signer, on veut dire que c'est certainement ça. Eux disaient, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui avait envoyé Noé, le Seigneur a envoyé Moïse, le Seigneur a envoyé William Branham. C'est ainsi qu'il disait, ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus-Christ est le Seigneur lui-même, Dieu dans la chair humaine. Il ne pouvait pas dire, ainsi dit le Seigneur, parce que c'est lui-même le Seigneur. C'est ainsi qu'il disait, en vérité, moi, je vous l'ai dit. Alléluia. Amen. Et quand il dit ça, il signe la chose. Anatia saini kuila anasema. Alléluia. Amen. Il met l'accent sur la chose. Anaweka mkazo pa ile kitu. Il dit ici, Jésus leur dit encore, Yesu akawaambia tena, en vérité, kweli, je vous l'ai dit, nawaambia, je suis la porte de brebis. Mimi ni mlango ya kondoo. Au verset 11. Isaya 11. Verset 9. Je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Alléluia. Amen. Jacob dit, c'est ici la porte des cieux. Pas de porte, pas trois, mais une seule porte. Et Jésus-Christ a dit, je suis la porte. La porte des cieux, c'est Jésus-Christ. Il est le tout en tout. Il est l'échelle que vit Jacob. Il est la porte des cieux. Branham n'est pas la porte des cieux. Aucun ministre est la porte des cieux. Aucun pasteur est la porte des cieux. L'unique porte des cieux, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu veux le ciel, mbingu, tu dois entrer par Jésus. Pa Yesu. Si tu n'entres pas par Jésus-Christ, il n'y a pas de ciel pour toi. Mbingu. Jésus-Christ est incontournable. Yesu awezi yake. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas contourner Jésus awezi pour dire que je vais aller au ciel. Mais laisse-moi contourner Jésus. Acha mbele nizunguke, je vais contourner comme ça nipite et je Yesu. Pars là-bas. Na kisha niende kule kumbele. Apana. Il n'y a pas moyen. Hakuna namna. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la porte. Yesu Christo yeye ni mulango. Mais cette porte alakini mulango était fermée. Ilikuwa yenye kufungwa. Alléluia. Amen. La porte des cieux mulango ya mambingu était fermée. Ilikuwa yenye kufungwa. Personne hakuna mtu ne pouvait entrer au ciel. Hakuwezi kuingia kumbingu. Même le saint de l'Ancien Testament. Hata watakatifu wa Agano la Kale. Adam et Eve. Adam na Eva. Lorsqu'ils sont morts, wakati walikufa, ils pouvaient pas aller au ciel. Hawakuwezi kwenda kumbingu. Ils sont allés au paradis. Walienda ni umparadiso. D'en bas. Ya chini. Là au séjour de mort. Mule makao ya bafu. Vous connaissez le Seigneur en a parlé. Munayo Bwana anesha isema. La parabole du pauvre Lazare. Il est fumbo ya Lazaro. Il y avait un lieu de repos, ya mapumziko, paradis partiel, paradis le paradis d'en bas, paradis et l'autre lieu, na kipande ingine, c'était la prison. Il kwa ni gereza kifungo. Où tous les incrédules qui étaient en train de mourir partaient. Mule bakutokuwa mini bote balikuwa na kufa balikuwa na enda. Le Caïen partait là. Bakaina balenda mule. Le Coré d'Atan. Bakore na ba Datan. Abiram. Tous les incrédules partaient en prison. Mais Adam au paradis, il n'y avait pas moyen d'aller au ciel parce que la porte était fermée. Alléluia. Amen. Job au paradis. Enoch fut enlevé. Enoch mais il ne partit pas au ciel. Même Élie aussi. Ils sont là au paradis d'en haut. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils qui est maintenant au ciel. Alléluia. Amen. Le ciel Mbingu. Jusqu'à présent pasas, aucun saint n'est dedans. Alléluia. Amen. La porte était fermée. Mulango ilikwenye fungwa. Tous ont péché. Bote baritenda zambi. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Na bana zuizwa kutukufu wa Mungu. Romains 3, 23. Wa Romains 3, 23. Alléluia. Amen. Mais dans Jean. Alakini plutôt dans Matthieu 16. Matthieu 16. Si nous pouvons lire. Kama tunaweza isoma. Verset 19, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette roc je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le royaume des cieux, le Seigneur Jésus-Christ, étant lui-même la porte, mais cette porte était fermée. Il fallait que la porte puisse ouvrir. Sans l'ouverture de cette porte, personne ne pouvait entrer au ciel. Et le Seigneur Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés pour que tu ouvres, afin que la porte puisse ouvrir et que les gens entrent. Alléluia. Amen. Ainsi, au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils furent tous remplis de l'Esprit. Alléluia. Amen. Et Pierre prêcha la parole. Na Petro ali ubiri neno. Ceux qui écoutèrent la parole eurent un cœur vivement touché. Ils ont posé des questions. Que pouvons-nous faire pour que nous soyons sauvés? Et en ce jour-là, Pierre reçut la clé. Alléluia. Amen. Il reçut les clés comme le Seigneur lui avait promis. Je te donnerai les clés. Ce n'était pas une clé matérielle. Ce n'était pas une clé matérielle. Mais cette clé, c'était la révélation. Alléluia. Pierre mit la clé dans la porte. Répentez-vous afin que vos péchés soient effacés. Que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pour recevoir le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux dont le Seigneur appellera au loin. En ce jour-là, Pierre mit les clés dans la porte. Et il tourna. La porte fut ouverte. Alléluia. Amen. Répentez-vous. Tubuni. Convertissez-vous. Mugeuke mutubu. Et que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu recevras le pardon de péchés. Le don du Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. La porte fut ouverte. Mlango ulifunguka. Au jour de la Pentecôte. Siku ya Pentecosta. Et dans Apocalypse. Mufunuo. Prenons Apocalypse. Tuchugwe ufunu. Apocalypse chapitre 3. Ufunu sura ya 3. verset 7. Mstari wa saba. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Andikia kwa malaika wa kanisa Philadelphia. Voici ce que dit le saint, le véritable. Tazama ile mtakatifu wa kweli anasema. Celui qui a la clé de David. Mwenye kwa na fungulo ya Daudi. Celui qui ouvre. Ule kwa na fungula. Et personne ne fermera. Na kuna mutu la tafunga. Celui qui ferme. Ula tafunga. Et personne n'ouvrira. Na kuna mutu wa kufungula. Alléluia. Amen. Il dit celui qui a les clés de David. Anasema mwenye kwa na fungulo ya Daudi. C'est qui? Ni nani? Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Il dit, c'est lui qui ouvre fungula, et personne ne peut fermer. Na kuna mutu wa kufunga, et celui qui ferme na ule kona funga, et personne ne peut ouvrir. Hakuna mutu wa kufungula. Alléluia. Amen. Quand Dieu te bénit, wakati Mungu anakubariki, personne ne peut te maudire. Hakuna mutu wa kukulani. Quand Dieu te donne, wakati Mungu anakupatia, personne ne peut te ravir. Hakuna mutu wa kunyanganya. Quand Dieu te sauve, wakati Mungu anakuokoa, le diable ne peut pas t'amener en enfer. Shetani hawezi kupeleka muadeza. Alléluia. Amen. Il dit, quand j'ouvre, il n'y a personne qui peut fermer. Tena mutu wa kufunga. Et il continue, dit, anaendelea na kusema, je connais tes œuvres. Najua matendo zako. Voici parce que tu as peu de puissance. Tazama sa vilo, najua na uwezo. Et tu as gardé ma parole. Na ulichunga neno langu. Et que tu n'as pas renié mon nom. Haukukatale, haukukane jina langu. J'ai mis devant toi naweka mbele yako une porte ouverte. Mulango moya wazi. Que personne ne peut fermer. Ila hakuna mutu wa kuifunga. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai mis devant toi anasema, mina weka mbele yako, une porte ouverte. Mulango ya wazi. Cette porte ouverte ile mulango ya wazi était ouverte à la Pentecôte. Ilifunguliwa wakati ya Pentecôte. Je dis, j'ai mis une porte ouverte. Nesha weka mulango ya wazi. Personne ne peut le fermer. Hakuna mutu wa kuifunga. Aucun démon ne peut le fermer. Hakuna demon hata moja. Le diable ne peut le fermer. Shetani hawezi kuifunga. Un faux prédicateur ne peut pas le fermer. Mungu wa bonga hawezi kuifunga. Alléluia. Amen. Qu'il amène n'importe quelle fausse doctrine. Il ne peut le fermer. Aucune puissance ne peut le fermer. Alléluia. Amen. Et le frère Branham, dans la prédication sur les âges de l'église, à l'âge de Philadelphie, il dit la porte ouverte. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit la porte ouverte que Dieu a dit ici signifie la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La révélation Ufunuo de la divinité Mungu suprême de wa, Jésus-Christ. Wa utele ya Yesu Christ. C'est ça la porte ouverte. Jo mulango ya wazi. Qu'est-ce que cela veut dire? Inamaanisha nini? Cela veut dire inamaanisha que tu dois croire la parole pasi kuamini neno par la révélation. Kupitia ufunuo. Si tu ne crois pas le message par la révélation, tôt ou tard, tu iras dans une dénomination ou tu vas aller dans le monde. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur, il sait anajua que sur le chemin ya kwamba munjia que nous sommes entrés mule tunaingia conduisant vers la gloire ya kwenda kumutukufu, il y a des épreuves muku majaribu, il y a des tentations muku mabipimo, le diable est là, shetani yako pale, le démon est là, mademone yako pale, le monde avec le péché, dunia na zambi, c'est là biko hapo plein alors bia mingi sana. Alléluia. Amen. Toi même t'engager sur ce chemin, uingia mwile njia, tu vas dire non utasema hapana, je ne peux plus, sitaweza, j'en ai marre, ninachoka, tu peux persévérer une année, 5 ans, 10 ans, mais tu finiras toujours par rentrer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des épreuves, il y a la séduction. C'est ainsi que le Seigneur, il aime quand il appelle quelqu'un, il se révèle premièrement à la personne. Alléluia. Amen. Pour savoir que j'écris le message. Alléluia. Amen. Non pas parce que mon papa est là. Non pas parce que ma maman est là. Non pas parce que je suis parti chercher le mariage. Non pas parce que je suis parti chercher quelque chose. Mais je suis là parce que le Dieu véritable s'est révélé à moi. J'ai compris que Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Si tu crois la parole par la révélation, rien ne peut t'emporter. Aucune épreuve, aucune maladie, la pauvreté, rien ne peut t'emporter. Parce que tu sais que mon Dieu est vivant. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu cherche d'abord. Il se révèle à la personne. Avec Moïse. Ou avec Abraham. Remarquez Abraham. Avant que Dieu lui donne d'abord la promesse. Pour dire que je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu auras un fils. Avant tout cela, Dieu s'est révélé premièrement à Abraham. Il dit, Abraham, je suis le créateur des cieux et de la terre. Je suis le Tout-Puissant. Je suis révélé à Abraham. Alors Abraham savait que Dieu a fait, non pas à une idole, non pas à un homme, mais Dieu a fait au Dieu véritable. Et Abraham a élevé la foi. La Bible dit qu'Abraham a eu la foi et cru en Dieu. C'est ainsi que rien ne pouvait empêcher Abraham de marcher avec Dieu. Même la stérilité de sa femme, rien ne pouvait l'empêcher. Même la vieillesse qu'ils avaient atteint, rien ne pouvait l'empêcher. Parce qu'Abraham savait, celui qui m'a promis l'enfant, elle est tout capable. Même lorsque Dieu lui a dit, prends ton fils Isaac, va immoler sur la montagne. Abraham a pris Isaac. Il est allé. Il a dit aux serviteurs, restez là. Il a pris Isaac seul et l'a mis sur l'autel. La Bible dit que Abraham croyait que Dieu ressusciterait Isaac. Alléluia. Amen. Abraham avait la foi. Pourquoi? Parce qu'il a cru Dieu, non pas par les imaginations, mais par la révélation. Moïse, remarquez, aujourd'hui les gens parlent des États-Unis, parlent de la Russie comme un pays puissant. Mais à l'époque du temps de Moïse, c'était l'Égypte qui était le pays le plus puissant. Mais remarquez, le pays le plus puissant qui avait beaucoup d'armées. Alléluia. Amen. Mais Moïse va délivrer le peuple de Dieu juste avec un bâton. Alléluia. Amen. Jusqu'à avec un bâton. On peut dire que cet homme est fou. Quand tu vas délivrer le peuple avec un bâton, où ça? En Égypte. Quelle Égypte? L'Égypte de Pharaon. Mais tu es fou. Avec ce bâton. Alléluia. Amen. Mais Moïse Moussa est parti, Alienna, non pas avec des doutes, mais avec la foi. Naïma, pourquoi? Avant cela, Dieu s'est révélé à lui. Je suis le Je suis. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu s'est révélé à Moïse et Moïse savait que celui qui m'a mandaté est plus puissant que Pharaon, est plus puissant que l'armée de Pharaon. Alléluia. C'est ainsi que chaque enfant de Dieu, chaque fils et fille de Dieu, celui qui vient à Dieu, Dieu doit d'abord se révéler à lui. Alléluia. Tu dois croire la parole par la révélation. Non pas par les faux semblants, non pas par les imaginations, non pas par l'hypocrisie. Il a été baptisé au nom de Jésus, mais dans son cœur, il n'a jamais cru. Alléluia. Amen. Il n'a jamais cru. Il ne sait même pas pourquoi il a été baptisé. Il a été baptisé pour faire plaisir à son père. Il a été baptisé pour faire plaisir à son mari. Il a été baptisé pour faire plaisir à sa femme. Alléluia. Amen. Il est là. Ekopale. Avec les épreuves. Nama, tu vas rentrer. Utarudia. Mais le Seigneur dit, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si tu crois la parole, par la révélation, personne ne peut t'amener à l'enfer. Même si c'est un prédicateur qui vient des États-Unis avec des tas de brochures et de brochures disant que moi, j'ai dormi avec Branham. Moi, j'ai mangé avec Branham. C'est Branham qui m'a ordonné. Alléluia. Amen. Et qui commence à porter des fausses doctrines. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas emporté. Awezikube, parce que c'est par la révélation que tu as cru la parole. Même une vieille maman qui ne connaît pas écrire son nom. Alléluia. Amen. Même si on écrit son nom, on lui dit lire, elle ne sait pas lire. Mais si elle croit par la révélation de la parole, alléluia. Amen. Personne ne peut l'emporter. Elle va demeurer dans la parole de Dieu. Celui qui a la révélation de la parole est fondé. Il n'est pas ballotté. Même si toute l'église partait, il va rester seul. Parce qu'il sait que je ne suis personne ici. Je ne suis personne. Moi, je suis la parole. Je suis le Seigneur. Alors, la gloire. Alléluia. Amen. Celui qui a la révélation, il ne suit pas son père, il ne suit pas sa femme, il ne suit pas son fils, il ne suit qui que ce soit, mais il est en train de suivre le Seigneur. Là où le Seigneur dit avance, il avance. Là où le Seigneur dit arrête-toi, il s'arrête. Alléluia. Amen. Dans Hébreux 11, le Seigneur dit au verset 6, Dieu veut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Parce que sans la foi, il peut être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Sans la foi, tu peux être agréable à Dieu. Remarquez Thomas. Après la résurrection, lorsque Jésus-Christ s'est révélé aux autres, Thomas n'était pas là. Thomas, il était parti se promener. Alors, à son retour, on lui dit, Thomas, nous avons vu le maître. Il est ressuscité. Thomas dit non. Thomas, moi, je ne peux pas croire. Je vis comment on l'a crucifié. Je vis la couronne de pines. Comment le sang a coulé. Et comment il est mort. Et comment on l'a enterré. Maintenant, vous me dites, il est ressuscité. Je ne crois pas. Si je ne prends pas mes doigts, je mets dans ses doigts là où on a percé. Je ne mets pas mes mains dans sa coque. Je ne croyais pas. Et pendant que Thomas parlait, le Seigneur est apparu. Il dit Thomas, viens. Avance. Regarde mes mains. Mets tes doigts. Thomas a vu le Seigneur. Il s'est agenouillé. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, wangu na Mungu wangu. Parce que tu as vu. Juu unaona. Tu as cru. Njo pale unaamini. Mais heureux. Eri wao. Celui qui a cru. Ula aliamini. Sans avoir vu. Bila kuona. Alléluia. Amen. La foi. Imani. Sans la foi. Bila imani. Tu ne peux être agréable à Dieu. Kumpendeza Mungu. Dieu veut Mungu que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe, qu'il est vivant, non pas la deuxième personne, non pas la troisième personne, mais le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Celui qui paye tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. S'il y a le problème de la guérison, il guérit. S'il y a les problèmes, il donne la solution. Parce qu'il est le rocher. Alléluia. Amen. Nous terminons par là. Il est le rocher. Au jour de la marche dans le désert, Dieu avait dit à Moïse, comme le peuple a soif, va frapper le rocher et il va produire de l'eau. Alléluia. Amen. Il va produire de l'eau. Moïse est allé, il a frappé le rocher et le rocher a produit de l'eau. Le peuple a bu, ils se sont réjouis. Alléluia. Amen. Et le rocher, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le rocher frappé à la croix de Golgotha. Son sang a coulé pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons le pardon. Et la deuxième fois, lorsque le Seigneur dit à Moïse, le peuple a soif, ne frappe plus le rocher, mais va parler. C'était ça la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Bien que Moïse a frappé pour la seconde fois, bien qu'il avait frappé pour la seconde fois et que Dieu avait exaucé, mais la volonté parfaite de Dieu était que Moïse parle au rocher, parce que le rocher devait être frappé une seule fois là à la croix de Golgotha. Et Dieu a dit, Moïse, va devant le rocher et parle. Rocher, nous avons soif, donne de l'eau. Et le rocher allait produire de l'eau. Alléluia. Le rocher véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été frappé à la croix. Alléluia. Il a versé son sang. Il est mort et il est ressuscité. Et la Bible dit, il faut croire qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Quand tu as besoin de quelque chose, parle au rocher. Alléluia. Parle-lui et il va produire de l'eau. Il va produire la vie, la réponse, le salut, le pardon, la délivrance. Alléluia. À savoir que toi, alléluia, amen. Tu n'es pas venu ici par un homme, mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a amené ici. Toi, la parole par la révélation. La porte ouverte. L'échelle que vit Jacob. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez commencer par lui. Crois la parole sincère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Je l'ai aimé, je l'ai aimé, parce qu'il m'a le premier. En vérité, chacun puisse prier le Seigneur.